Bonjour et bienvenue à cette émission centrée sur la science-fiction, le fantastique et la fantasy. Christian Martin au microphone. D'abord, quelques infos. ActuSF publie une entrevue avec Christophe Lambert, voir www.actusf.com. La seconde anthologie, Histoire de mort du Flash Info de l'imaginaire, est téléchargeable en PDF à pageperso-orange.fr/jplanck/nouvelles.htm. Aujourd'hui, la suite des titres proposés par les éditeurs en SF, Fantastique et Fantasy pour mai 2010. 7 titres chez J'ai lu. Le premier, Le baiser des ombres de Laurel Hamilton, volume 1 de Mary Gentry, une réédition. Le deuxième, Ceux qui sauront de Pierre Bordage, aussi une réédition. Le troisième, La confrérie des naufrageurs de Johan Elliott, volume 1 de Le Tempestaire. Rares sont de nos jours les êtres dotés d'un talent d'exception. Et parmi eux, seuls quelques-uns parviennent à le maîtriser à la perfection. Haggis, maître des innocents, est de ceux-là. C'est en recueillant de jeunes enfants particulièrement doués et en leur apprenant à exploiter au mieux leurs capacités qu'il parvient à gagner la mainmise sur le quartier gueux de rédemption. Jed compte au nombre de ses plus grandes trouvailles. Les éléments semblent en effet refléter ses émotions, les tempêtes se déchaînent au rythme de ses affections. Il deviendra ainsi l'enjeu d'une lutte sans merci entre les mystérieux directeurs de la compagnie et la matrone des naufrageurs, très ancienne créature qui révélera au garçon l'usage de son talent de tempestaire. Le quatrième titre chez J'ai lu, Le cycle du Ha d'Alfred Van Vogt, un classique. Le cinquième, L'ombre de Thésée de Jesse Candleson, volume 1 de Les Conjurés de Niobe. Le sixième titre chez J'ai lu ce mois-ci, Le pacte des justes de David Coe, dixième tome de La couronne des sept royaumes, une réédition. Le septième titre, Le trône de fer, l'intégrale, 3, de George Martin. Un livre de poche sort 6 titres, 6 rééditions. Le premier, Caldé, côté cité, de Gene Wolfe, volume 3 de Le livre du long soleil. Le deuxième, Elana, la prophétie, de Pierre Bottero, tome 3 de Le pacte des marchombres. Le troisième, Je suis ta nuit, de Loïc Leborgne. Le quatrième, Le patrouilleur du temps, de Paul Anderson, volume 2 de La patrouille du temps. Le cinquième, Un vampire ordinaire, de Susie McKee-Charnas. Le sixième, Une porte sur l'été, de Robert Heinlein. Christophe Lambert sort La reine de vengeance chez Mango Jeunesse. En 60 après Jésus-Christ. Les tribus celtes de Bretagne luttent contre l'envahisseur romain. Une reine prend la tête de la résistance, la flamboyante Boadicée, qui déclenche la colère des émissaires de l'empereur Néron. Boadicée est fouettée et ses deux filles violées. Mais les dieux ont été témoins de la scène. Minerve décide d'aider secrètement la reine en lui offrant sa lance magique. Le conflit va s'abattre sur l'Olympe et les terres de Bretagne. Pour les hommes et les dieux, rien ne sera plus jamais comme avant. Chez Michel Lafond paraît le volume 11 de Les Chevaliers d'Émeraude, La justice céleste d'Anne Robillard. Réédition d'un ouvrage paru chez De Mortagne, au Québec, en 2007. 13 titres ce mois-ci chez Milady. Le premier, Annihilation de Philip Hattens, volume 5 de Royaumes oubliés, la guerre de la reine araignée, une réédition. Le deuxième, La croix d'ossement de Patricia Briggs, volume 4 de Mercy Thompson. Marsilia, la reine des vampires de la région, a appris que Mercy l'avait trompée en tuant l'un des membres de son clan. Et elle n'acceptera que le prix du sang pour venger cette trahison. La jeune Coyote Garou vient de tomber sur un os car la sentence qui pèse sur elle en fait la cible de toutes les créatures à la botte des vampires. Heureusement que Mercy peut compter sur Stéphane et sur l'Alpha si sexy qui a juré de la protéger. Mais s'ils étaient menacés par sa simple présence, et si, pour les épargner, Mercy n'avait plus qu'un seul choix, partir. Le troisième titre chez Milady est L'épreuve des jumeaux de Tracy Hickman et Margaret Weiss, volume 3 de Lance-Dragon, Trilogie des légendes, une réédition. Le quatrième, Flash Forward, de Robert Sawyer. Il s'agit du roman qui a inspiré la série télé. Le cinquième titre, Frères d'armes, de Don Perrin et Margaret Weiss, une réédition. Le sixième, Night Huntress, de Yasmine Gallen-Norn, tome 5 de Les Sœurs de la Lune. Septième titre chez Milady ce mois-ci, Pour une poignée de charme, de Kim Harrison. Tome 4 de Les Aventures de Rachel Morgan, une réédition. Huitième titre, Le Réprouvé, de Sarah Douglas, volume 1 du cycle La Rédemption des Voyageurs. L'homme étoile a vaincu Gorgrael. Depuis, Tansandor a retrouvé la paix et l'unité. C'est désormais à Calum, le fils de l'illustre Axis, de maintenir sa terre de prospérité. Mais un fils n'a pas toujours les moyens de marcher sur les traces de son père. En effet, Calum n'a jamais connu la guerre. Sans doute inexpérimenté, il ne voit pas que des braises couvent encore sous la cendre. Alors qu'une invasion menace, saura-t-il trouver la force de repousser les démons et surtout de faire face aux dangers qui le guettent? Car un réprouvé trop longtemps resté dans l'ombre et méprisé de tous prépare sa vengeance. Il est prêt à tout pour prendre le pouvoir, même à tuer son propre frère. Neuvième titre chez Milady, Le Seigneur des îles de David Drake, volume 1 du cycle du même nom, une réédition. Dixième titre, La Tapisserie des Gobelins, de Pierce Anthony, volume 8 de Zantz, traduction de Crow Lie, une réédition. Onzième titre, La Tombe de Paul Wilson, tome 1 de Repairman Jack, une réédition. Douzième titre, Les Vestiges de Jacinto, de Karen Travis, volume 2 de Gears of War. Treizième titre chez Milady, Les Yeux de Leilan, de Magali Segura. Volume 1 de Leilan, une réédition. Mille saisons, cinquième saison, lance Investigation avec un triton de Jess Kahn. Cher Lydonius n'est pas un détective comme les autres. Épicurien dans l'âme, ce triton accro aux moules hallucinogènes est le spécialiste des enquêtes biscornues. Secondé par Geoffroy de Montardy, chevalier courageux mais pas téméraire, et Circéon, lanceuse de sorts diplômée de la calamiteuse EMA, École de magie appliquée, Aidonius se trouve face à une sombre histoire de malédiction dans un royaume dont le sort dépend de la confiance du peuple, lequel prend trop souvent des allures de mouton bicéphale. Trois titres chez Mnemos, le premier, Citeria de Charlotte Bousquet, tome 2 de l'archipel des Numinés. La splendeur de Cribella, capitale lagunaire de Citeria, n'est plus qu'un lointain souvenir rongé par l'humidité et la décrépitude. Certains prétendent même que d'effroyables créatures hantent ces canaux nauséabonds. Et voilà qu'aujourd'hui, une vague de suicides inexpliqués endeuille le quartier populaire de Métida. Nola, écrivain public, et son amant Angelo Di Larini, sorcier réprouvé de l'Ordre de la Nouvelle Lune, entendent découvrir et combattre les forces à l'œuvre. Leur dernière piste les mène à Malatesta, démon né d'amour contre nature prisonnier du Dédale. Sera-t-il un allié ou leur plus implacable ennemi? Deuxième titre chez Mnemos, Jeb l'encourseur de Laurent Gidon, volume 2 de Jeb. Troisième titre chez Mnemos, La parallèle Vertov de Frédéric Delmeul, volume 1 de Les naufragés de l'entropie, une réédition d'un ouvrage paru en 2007 sous le titre Nec de la Tour. Quatre titres ce mois-ci chez les Moutons électriques. Le premier, un ouvrage consacré à Alan Moore. Le deuxième, Des nouvelles du Tibar de Timothy Ray, un recueil de nouvelles. Le troisième, Genoa Vera, et le quatrième, Gagner la guerre, tous deux de Jean-Philippe Jaworski, volumes 1 et 2 de Récits du vieux royaume. Ce sont des rééditions. Chez Nathan paraît The Agency, le pendentif de Jade, de Y.S. Lee. Quatre titres chez Orbit, dont deux de J.V. Jones, La forteresse de glace grise et La piste des glaces, tomes 3 et 4 de L'épée des ombres, traduction de A Fortress of Grey Ice. Le vaste Monk, immense désolation, borde les territoires du Nord. C'est là que H de la Marche s'initie au combat auprès des guerriers Sules. Ref Rupture, devenu l'homme aux 12 proies parmi les mutilés, découvre qu'il devra bientôt affronter le Chatan-Maher, la plus puissante créature qui ait jamais vécu. Et tandis que l'armée des seigneurs de la faim ne cesse de grossir, Ref entreprend un périple à travers le Monk. Au bout du voyage, la légendaire cité des anciens, suspendue hors du temps et de l'espace. N'est-ce pas là que résident les puissances des ténèbres, à la frontière entre les mondes? Le troisième titre chez Orbit est « Rouge » de Christine Kishore, volume 2 de Graceling, traduction de « Fire ». Le quatrième titre chez Orbit, « Will » de Stephen Lawhead, tome 2 de « Le Roi Corbeau », traduction de « Scarlet ». 11e siècle, Angleterre. Will Écarlate a tout perdu. Archer accompli, il est devenu un membre éminent de la garde rapprochée du rebelle le plus célèbre. Mais, au cours d'une tentative pour kidnapper le shérif Richard de Granville, Will est capturé et condamné à être pendu pour un crime qu'il n'a pas commis. À moins qu'il ne livre le roi Corbeau et sa bande hors la loi. Chez Oscar sort 2 secondes avant la fin du monde de Freddie Woods. 4 titres chez Pocket, 4 rééditions. Bleu poussière ou la véritable histoire de Kyle Talas de Jennifer Richard. La guerre du Maine de David Durham, tome 1 de Acacia. Le monde enfin de Jean-Pierre Andrevon. Et La plage de verre de Ian Banks, une traduction de Against a Dark Background. Pocket Jeunesse sort le tome 3 de La Cité des Ténèbres, Le miroir mortel de Cassandra Clare. La lutte entre le bien et le mal se poursuit. Valentin rassemble son armée pour éradiquer la lignée des chasseurs d'ombre. Clary se rend dans la Cité de Verre afin de sauver sa mère et découvrir son passé. S'introduire dans la cité sans l'autorisation de l'enclave n'est pas sans danger. Au cours de sa quête, Clary rencontre Sébastien, un garçon énigmatique. Avec lui, elle comprend que le seul moyen d'arrêter la fureur de Valentin est de former une alliance entre chasseurs d'ombre et créatures obscures. Comment conclure une telle union? 2 titres chez Pop Fiction. Le premier, Les âmes fugitives de Florence Day, un recueil de nouvelles. Le deuxième, Ces messagers venus d'ailleurs, une anthologie. 2 titres d'Edouard Brassé chez Le Pré au Clair et 2 rééditions. Le petit livre des dragons et Le petit livre des elfes. Publi.net réédite La musique d'Eric Zan de H.P. Lovecraft. Il s'agit d'un livre numérique. Le volume 2 de La première loi, Les raisons et sentiments de Joe Abercrombie, traduction de Before They Are Hanged, paraît chez Pygmalion. Riez réédite Par le sang du démon de Virginia Shelley, volume 1 de Ender's Sorcery. 3 titres chez Robert Laffont. Le premier, Le château de Lord Valentin, tome 1 de Magipour, une réédition. Le deuxième, La machine la différence de William Gibson et Bruce Sterling, aussi une réédition. Le troisième, Requiem pour une étoile de Jennifer Richard. Chez Somnium, un collectif, des subjectivités collectives réunissant articles et tables rondes. Chez Spoutnik sort Le grimoire de Corylphan de Michel Brodery, un recueil d'illustrations sur la fantasy agrémenté de textes brefs. Paraît à TheBookEdition.com, Sorcières et sortilèges, une anthologie de 9 nouvelles. UGE réédite Le club des policiers yiddish de Michael Chabon, traduction de The Yiddish Policeman's Union. Chez Voyelle, on réédite Le peuple oublié de Jean-Christophe Chaumette, tome 1 de 9e cercle. Et voilà. Merci de votre attention. À bientôt.